sujet à l'émission Chérie Micoutu. Et non, ce n'est pas un magazine de psychologie populaire, mais bien une émission musicale aux saveurs variées, folk, rock, pop, indie, électro, ainsi que l'alternative se donne rendez-vous tous les lundis soirs de 18h à 19h pour le plaisir de vos oreilles. Je m'appelle Sophie Laforêt et j'aurai le plaisir de vous accompagner pour la prochaine heure, c'est-à-dire jusqu'à 19h. Et cette semaine à l'émission, plusieurs nouveautés, notamment celles de Malajube, Marie-Pierre Arthur, les Yeah Yeah Yeahs et Carl-Éric Hudon, ainsi que plusieurs autres. Et sans plus tarder, nous allons nous diriger vers un bloc musical de rock francophone. Tout d'abord avec la formation El Motor sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. Casse-gueule d'une bouche à l'autre, d'une saveur à l'autre, le fantasme tenant de mes dents brisant ton exosquelette. Casse-gueule d'un bout à l'autre, de faux espoirs. grâce à la façon du train. C'était là que vous deviez réserver. C'était la pièce Luna du groupe Malajube de leur album Labyrinthe, leur tout nouvel album que j'apprécie particulièrement. Et Malajube qui est en tournée en ce moment, avec des dates entre le 21 mars et jusqu'au 26 avril, notamment à Montréal, Joliette, Québec et plus d'endroits également. Plus de détails au malajube.com. Tout juste avant, nous avions la formation Éléphantine avec le titre « Libérer le génie » d'un mini-album du même nom, en fait un démo. Et Éléphantine qui est présentement en studio pour compléter un album, un premier album complet. Et ils seront en spectacle le 4 avril au Patrovie de Montréal. Plus de détails également sur leur page MySpace. Et au début du bloc, nous avions la formation montréalaise El Motor de l'album du même nom avec la pièce Casse-gueule. Et pour El Motor en ce moment, rien à signaler. Ils ne sont pas en tournée en ce moment. Et on ne sait pas s'ils nous préparent un prochain album, chose que j'aimerais bien. Alors, on aura plus de détails prochainement. Et nous allons enchaîner sans plus tarder avec un autre bloc, un bloc électro-anglophone, pardon, notamment avec la formation Shout Out Loud, qu'on écoute à l'instant sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. We'll be right back. exactly. We go out dancing, I don't wanna be bothered, just want to be bothered with real love. And so I heard it's no good to run, but it feels so much better now that it's done. And tonight I have to leave it. Next tonight. Things on paper. The rumors said that you're very sorry. Oh no, you're not sorry. No, you're not. And so I heard it's no good to run, but it feels so much better now that it's done. And tonight I have to leave it. Yes, tonight I have to leave it. Yes, tonight I have to leave it. Yes, give love, give love, give love. Why don't you give love, give love, give love? Why won't you give love, give love, give love? It's tonight I have to. Oh, it's tonight I have to leave it. s'en va. Climb, climb, climb. c'était la pièce Zero de la formation Yeah Yeah Yes de leur prochain album Hit Blitz, qui sera leur troisième album à paraître en magasin le 31 mars prochain. Tout juste avant, nous avions la formation française Indochine avec un premier extrait qui est paru le 10 décembre dernier et qui se retrouvera sur leur 11e album à paraître mardi le 17 mars, c'est-à-dire demain. Et c'était le titre, en fait, le titre de la pièce était Little Dolls, de l'album La République des Météores. Et au début du bloc, nous avions la formation suédoise Shout Out Louds de leur album Our Ill Wills avec la pièce Tonight I Have to Leave It. Et ce n'est pas une reprise de la formation The Cure, bien que cette chanson ressemble de façon assez flagrante à la pièce In Between's Day de ce groupe britannique. Donc, c'est quand même une pièce fort intéressante, même si, comme je vous le mentionne, c'est quand même une pièce qui fait référence à un groupe là, de façon assez évidente. Donc, allez écouter, en fait, la pièce In Between's Day de la formation The Cures et vous verrez des ressemblances assez similaires. Alors, c'est ce qui complète ce bloc de rock anglophone et francophone. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie m'écoute-tu en compagnie de Sophie Laforêt jusqu'à 19h. Et pour consulter la liste des pièces qui ont joué à l'émission de ce soir, vous pouvez consulter le profil MySpace de l'émission, soit le www.myspace.com/c'est fou chérie sans accent. Et vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook Chérie m'écoute-tu pour avoir plus de détails sur les émissions spéciales et sur les pièces qui joueront aux émissions à venir. Et dans quelques minutes, nous allons poursuivre avec un bloc anglo-électro, parfois ambiant et parfois teinté de rock, notamment avec les formations Chouchou, Goddam Electric Bills et PSAP. Alors, c'est ce que nous entendrons tout de suite après cette courte pause publicitaire. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Yeah. m'observe et reste là, accroché en haut de mon toit. Elle se moque de moi. Encore une fois, les jours de pluie se dessinent, imposant leur triste routine. Ma carcasse lourde frôle. C'était la pièce Calm Down de la formation PSAP de leur mini-album Do Something Wrong. C'est un duo de musique électro-folk aux sonorités diverses, dépendamment des pièces. Et on retrouve également ce groupe sur la trame sonore de la série américaine Grey's Anatomy également. Puis, tout juste avant, nous avions l'auteur-compositeur-interprète Marie-Pierre Arthur, qui est une nouvelle venue, si on veut, sur la scène québécoise, qui se retrouve quelque part entre Ariane Moffatt et Mara Tremblay, avec une voix qui peut ressembler un peu à Feist. Donc, elle était bassiste, notamment, pour Ariane Moffatt, Kevin Parent, Mara Tremblay, Stéphie Choc, Michel Faubert, et elle a décidé de lancer son album solo, qui est sorti le 24 février dernier sur l'étiquette Bansound Records. Et tout juste avant, au début du bloc, nous avions la formation expérimentale indie de la Californie du nom de Chouchou, mais qui s'écrit X-I-U-X-I-U, mais qu'on prononce Chouchou. De leur quatrième album, Fabulous Muscle, c'était la pièce Crank Heart. Et leur neuvième album est attendu pour 2010 et aura pour titre Dear God, I Hate Myself. Donc, c'est en fait une formation expérimentale. Donc, d'une pièce à l'autre, les ambiances changent quand même beaucoup. Puis, on retrouve beaucoup d'électro, mais parfois des pièces un peu plus sobres, un peu plus accessibles, si je pourrais ainsi dire. Donc, c'est ce qui complète ce bloc varié. Puis, on va se lancer dans un autre bloc tout aussi varié avec à la fois du folk et de l'électro, notamment avec Carl-Éric Hudon. Et ensuite, on entendra la formation Goddamn Electric Bill, qui est une pièce plus instrumentale électro. Et nous terminerons avec Dumas. Alors, on écoute ça à l'instant sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Ton corps plié Regarde ces voitures qui roulent. Y'a que nous qui ne bougeons pas. Regarde les oiseaux qui s'envolent. Y'a que nous. Au calme plat. C'était la pièce quelque part de l'album Rouge de Dumas, qui est en fait le deuxième album d'une trilogie, donc il reste un troisième album à paraître. Et ce deuxième album-là est paru le 24 février dernier, suivant l'album Nord, qui lui est paru le 2 décembre 2008. Et tout juste avant, nous avions cet homme orchestre américain du nom de Jason Thorber, qui se produit sous le nom de Goddam Electric Bill avec la pièce Lost in the Zoo, de l'album Swallowed by the Machines, paru en 2006. Donc, il assure la basse, la guitare, les percussions, les synthétiseurs et plus encore. Et juste vous mentionner que j'ai placé sur le profil de l'émission la vidéo de cette pièce, donc sur le MySpace de Jérémy Coutu, si vous avez envie d'aller le voir. Il est disponible. Et au début du bloc, nous avions Carl-Éric Hudon de son dernier album Contre le tien, Anana, Bongo Love, la pièce Les belles choses. Et l'émission va se terminer bientôt, mais tout juste avant de se quitter avec un dernier bloc musical, seulement vous mentionner que ce mercredi 18 mars 2009, il y aura l'inauguration des 5 à 7 du bar ouvert, qui est une invitation du Bac vert, c'est-à-dire de votre comité environnemental étudiant. Donc, ce mercredi 18 mars, de 17h à 19h, il y aura la projection du film « Quelque chose dans l'air » à la Chasse-Galerie. C'est une invitation pour tous les gens qui sont intéressés à venir voir ce film. Donc, c'est une occasion conviviale de sensibiliser la communauté étudiante et la communauté trifluvienne aux enjeux environnementaux et afin de se faciliter la vie à être plus vert et plus verte. Donc, c'est une occasion de discuter tout bonnement sur des enjeux qui nous touchent tous et toutes. Et également, dans une semaine, soit du 24 au 26 mars, il y aura le vote pour élire les membres de l'AGE. Donc, vous pourrez le faire à partir de votre portail étudiant du mardi au jeudi, 24 au 26 mars 2009. Donc, l'émission s'achève et ce sera tout pour moi. Je vous invite à rester à l'écoute car tout de suite après, il y aura le voyage insolite animé par Frédéric Durand et simplement vous laisser avec un court bloc de musique folk, je dirais folk rock. La première pièce qu'on va entendre, c'est la pièce Sunny Road de l'auteur-compositeur-interprète Emiliana Torini de l'album Fisherman's Woman. Et tout de suite après, nous aurons une pièce de Morrissey, qui était le chanteur de la formation de Smith, avec la pièce Black Cloud de son dernier album Years of Refusal. Donc, c'est Sophie Laforêt qui vous souhaite une très bonne soirée à l'antenne de C'est Fou 89.1 FM. Et on se quitte en musique avant de se retrouver la semaine prochaine avec une autre heure de variété musicale. Bonne soirée! Thank you. There's nothing I can do to make you mine.